إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence, en fait on continue les explications et on est arrivé au cours numéro 9 dans le livre Ad-Durar الذهبية بارك الله فيك في أصول ومنهاج الدعوة السلفية. Et habituellement le samedi on a le cours de l'usul al-salata, le sharh de l'usul al-salata, sauf que on s'est arrangé moi et Mohamed et finalement lui étant donné qu'il fait lui aussi l'usul al-salata, il a commencé déjà avant depuis longtemps, donc qu'est-ce qu'on va faire, c'est que jusqu'à ce qu'il termine, parce qu'il est à la fin, donc il va terminer à l'usul al-salata. Et moi, pendant ce temps-là, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, au lieu de faire à l'usul al-salata et ce livre-là, je vais faire uniquement celui-là, jusqu'à ce qu'il termine à l'usul al-salata. Quand il aura complété, donc après, on pourra reprendre l'explication de l'usul al-salata à partir de là où on est arrivé, dans les derniers cours, inshallah. Donc, qu'est-ce qu'on expliquait? Maintenant, on est toujours dans le chapitre, au sujet de at-tasfiya wa at-tarbiya, au sujet de at-tasfiya wa at-tarbiya, c'est-à-dire de la purification et de l'éducation, de la purification et de l'éducation. Et le cheikh expliquait le point au sujet de al-mujadala, c'est-à-dire le fait de d'argumenter et de yani d'essayer de d'argumenter et de débattre avec les gens, yani soit les non-musulmans ou bien soit également les même parfois des musulmans qui ont des problèmes dans leur compréhension yani pour, ou bien dans leur pratique, pour les convaincre yani pour les amener à soit se convertir s'ils sont pas musulmans ou bien soit les appeler à yani appliquer certaines choses s'ils les ont négligées ou bien yani s'ils ont des égarements ou des innovations, de les appeler à abandonner ces innovations-là ou ces égarements-là avec les arguments et les preuves du Coran et de la Sunna, avec la sagesse. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati l'hasana wa jadilhum billati hiya ahsan » c'est-à-dire « Invite les hommes au chemin de ton Seigneur avec sagesse et avec une bonne exhortation et argumente avec eux de la meilleure façon » argumente avec eux de la meilleure façon. Et donc, al-mujadala, on a expliqué dans le tafsir des paroles de l'imam al-Sa'di dans son tafsir, qu'est-ce que ça signifiait. Et on a expliqué que, yani, il y a des degrés, hein, il y a des degrés dans la façon d'argumenter avec les gens selon leur niveau de compréhension, selon leur niveau d'acceptation des preuves. Puis on était en train d'expliquer, donc le cheikh dit wa min zalika al-ihtijaj 'alayhi bil adillati allati ya'taqiduha fa innahu aqrab ila husul al-maqsud wa an la tu'addi al-mujadala ila khisam aw mushatama تذهب بمقصودها ولا تحصل الفائدة منها بل يكون القصد منها هداية الخلق إلى الحق لا المغالبة ونحوها وقوله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله أي أعلم بالسبب الذي أداه إلى الضلال ويعلم أعماله المترتبة على ضلالته وسيجازيه عليها وهو أعلم بالمهتدين علم أنهم يصلحون للهداية فهداهم ثم من عليهم فاجتباهم. Donc on a expliqué dans le dernier cours cette partie-là, on a expliqué que bon, quand on invite les gens à l'islam, ou quand on invite les gens à la, soit qu'ils sont musulmans déjà, donc, ou non musulmans, peu importe, yani, si ce sont des non musulmans, on les invite à accepter l'islam et à entrer dans l'islam. Si ce sont des musulmans, mais qui négligent certaines choses de l'islam, comme par exemple, des musulmans qui négligent la salat, hein, ou bien des musulmans qui négligent le jeûne, ou qui négligent, des aspects de l'islam. Supposons, par exemple, une femme musulmane qui porte pas le hijab, de l'appeler à commencer à le porter, hein, ou bien certaines personnes qui négligent certains aspects de l'islam, ou bien on les invite à commencer à pratiquer ces aspects de l'islam, eh bien, tout ça, yani, il faut arriver à amener les arguments nécessaires aux personnes, dans le but d'essayer de les convaincre de faire ça. Et yani, il faut le convaincre avec les choses qui va faire en sorte que la personne va accepter et va être convaincu. Puis on a expliqué, on a donné plein d'exemples dans le cours passé à ce sujet-là. Donc on n'a pas besoin de revenir dans les détails à ce sujet-là, sur ce point-là. Sauf que ensuite de ce que le cheikh il vient d'expliquer maintenant, il dit wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khayrun lis-sabirin wasbir wa ma sabruka illa billah ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يقول تعالى مبيحا للعدل ونادبا للفضل والإحسان وإن عاقبتم وعليكم السلام ورحمة الله وإن عاقبتم يعني من أساء إليكم بالقول والفعل فأعاقبوا بمثل ما عوقبتم به من غير زيادة منكم على ما أجراهم معكم ولئن صبرتم عن المعاقبة وعفوتم عن جرمهم لهو خير للصابرين. Donc il mentionne le cheikh des versets le Coran qui mentionne justement le fait que si quelqu'un nous fait du mal ou quelqu'un nous fait du tort, par exemple parmi les koufars, lorsqu'ils nous font du tort, eh bien, si on leur remet le mal qu'ils font, ça c'est quelque chose qui a rapport avec la justice, on a le droit, yani, de leur remettre le mal qui correspond au mal qu'ils nous font. De leur remettre le mal qui correspond au mal qu'ils nous font. Toutefois, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, mais si vous êtes endurant et si vous endurez, vous êtes patient, ça c'est quelque chose de meilleur encore pour les gens qui sont endurants et patients. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala en ordonna à son prophète, et fais preuve de patience et d'endurance, et que ta patience soit uniquement en Allah subhanahu wa ta'ala, et ne sois pas triste pour eux, et yani, ne sois pas non plus angoissé par rapport à ce qu'ils planifient, ou qu'est-ce qu'ils rusent contre toi, ou bien contre les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala est certes avec ceux qui ont la crainte en lui et ceux qui sont muhsinoun, c'est-à-dire qui font des efforts dans son adoration et qui sont bienfaisants. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala nous permet donc de faire preuve de justice et de remettre le mal à la personne qui nous fait du mal, mais pas de rajouter, yani, de faire plus que le mal qu'on a reçu, mais de faire preuve de justice. Dans le sens qu'on se limite à remettre le mal équivalent. Mais en même temps, il nous encourage à faire preuve, yani, de encore plus de mérite et encore plus de grâce et de bienfaits. Dans le sens que, il dit, si on vous fait du mal, yani, soit par la parole ou soit par l'action, alors remettez un mal équivalent à celui qu'on vous a fait sans dépasser la limite et sans rajouter de ce qu'on vous a fait. Mais si vous êtes endurant et si vous patientez par rapport à ce mal qu'on vous a fait et que vous décidez de pardonner la personne, ça c'est mieux encore. C'est-à-dire si quelqu'un vous a fait du tort ou vous a fait du mal, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous encourage même de pardonner la personne qui nous a fait du mal, de ne pas chercher une rétribution ou bien de ne pas chercher à se venger de cette personne-là, et que ça c'est meilleur encore pour la personne qui fait preuve d'endurance. Ensuite, le cheikh il mentionne une parole de la part du cheikh Ibn Baz, Abdelaziz Ibn Baz, dans son livre Fadl al-Da'wa. Il dit, يقول Ibn Baz rahimahullah, فإن كان عنده شبه جادلته بالتي هي أحسن ولا تغلظ عليه بل تصبر ولا تعجل ولا تعنف بل تجتهد في كشف الشبه وإيضاح الأدلة بالأسلوب الحسن. Donc ça c'est très important par rapport à la da'wa. Lorsqu'on veut inviter des gens à l'islam ou inviter des gens à la sunna, le cheikh Ibn Baz il dit, si quelqu'un il a des doutes ou des ambiguïtés, des choses qu'il n'a pas bien compris dans la religion, des shubuhat, eh bien tu dois argumenter avec lui et discuter avec lui de la meilleure manière, sans faire preuve de rudesse ou de dureté, hein, ni d'agressivité ni de violence. Et il faut être patient avec cette personne-là et ne pas se précipiter, ne pas se dépêcher ou se précipiter avec elle, mais faire les efforts nécessaires pour être capable de le délivrer de ces ambiguïtés-là et de lui enlever ses shubuhat et de lui clarifier les preuves de la meilleure façon. Donc ça c'est une parole du cheikh Abdelaziz Ibn Baz qui nous aide à comprendre en fait comment on doit agir envers les personnes qui, par exemple, ont des ambiguïtés dans leur compréhension de l'islam, hein, et dans la religion. Donc, il ne faut pas se précipiter, juste dire à la personne, « Ah, toi, t'es un égaré, ça y est, t'es perdu, puis tu perds patience avec elle, et tu la renvoies comme si son cas était perdu. » Il faut faire preuve de patience et d'endurance avec elle, et toujours lui revenir avec les explications et les clarifications et les détails qui vont faire en sorte que les choses que la personne n'a pas compris dans la religion vont être clarifiées pour elle. Ensuite le cheikh il dit وما هو حكم المجادلة وما هو التفسير الصحيح للنصوص التي تنهى عن الجدل. يقول ابن القيم في قوله تعالى لا حجة بيننا وبينكم وليس المراد في الاحتجاج من الطرفين كما بينه بعض من لا يدري ما يقول وأن الدين لا احتجاج فيه كيف والقرآن من أوله إلى آخره حجج وبراهين على أهل الباطل. Donc Allah سبحانه وتعالى dans plusieurs versets dans le Coran il nous interdit les argumentations et les débats. Hein, Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple dans certains versets وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. Parmi les hommes, il y en a qui argumentent et qui débattent, hein, sans science, sans guidance et sans livre éclairant. Et donc, il y a beaucoup d'autres versets qui critiquent ou qui blâment également le fait d'argumenter et de débattre. Et on voit que dans les explications qu'on a lues, on est encouragé à argumenter et à débattre avec les gens du livre. Donc, comment on peut comprendre ces versets-là qui pourraient sembler être en contradiction pour certains, ou certains pourraient penser qu'il y a une contradiction entre les deux. Puis donc le cheikh il dit quel est le verdict au sujet du fait de débattre ou d'argumenter, hein, et quelle est l'explication correcte au sujet de ces textes qui interdisent l'argumentation. Et le cheikh l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya il mentionne justement au sujet d'un verset dans le Coran, la hujjata baynana wa baynakum, c'est-à-dire il n'y a aucune preuve entre vous et nous, il n'y a aucun argument entre vous et nous. Le cheikh Ibn Qayyim il dit ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'argumentation entre les deux parties ou entre les deux côtés qui s'opposent par rapport à la vérité. Bien entendu, celui qui dit ça, c'est parce qu'il n'a rien compris ou il ne sait pas ce qu'il dit en fait. Parce que le Coran, si on le regarde, si on lit le Coran, on voit que dedans, il y a les preuves et les argumentations. Du début jusqu'à la fin, dans le Coran, il n'y a que des preuves et des argumentations contre les gens du mensonge et de la fausseté. Donc, le cheikh, il explique ça pour dire qu'en fait, dans le Coran, il y a les preuves et les argumentations. Toutefois, les versets qui interdisent de débattre ou d'argumenter, c'est quand c'est dans le but juste de disputer, ou juste que chacun il veut arriver à écraser l'autre, et chacun s'accroche à son mensonge ou à sa position qui est fausse. Et quand c'est des argumentations ou des débats de cette façon-là, juste pour montrer sa connaissance ou juste pour par fierté ou des choses de ce genre, mais pas pour arriver à obtenir la vérité ou arriver à la vérité, dans ce cas-là, c'est pas permis. Et on voit dans le verset justement qu'on a lu « Wa la tujadilu ahl al-kitab illa billati hiya ahsan » Hein, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et n'argumentez pas ou ne débattez pas avec les gens du livre, excepté de la meilleure manière. Hein? Et dans l'autre verset, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al-hasana wa jadilhum billati hiya ahsan. Donc, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'argumenter avec eux de la meilleure façon. Et du moment que tu le fais de la meilleure façon, c'est-à-dire avec les preuves du Coran et de la Sunna, et dans le but d'établir la vérité, et selon les règles de l'islam, dans ce cas-là, c'est permis. Mais si c'est autre que ça, dans le but juste d'argumenter pour argumenter, pour commencer à disputer ou débattre, chacun veut montrer son intelligence, chacun veut montrer qu'il a plus de connaissances que l'autre, et c'est pas le but d'arriver à la vérité, c'est juste hein, des chamailleries, des choses de ce genre, ça c'est pas permis. Ou bien, le but, par exemple, des gens de Bid'a qui vont rentrer dans des discussions philosophiques, ou bien dans des argumentations sur des questions qui ont rapport avec le rêve et avec l'aqida, dans le but de rejeter les preuves qui viennent du Coran et de la Sunna, et des choses de ce genre, là, dans ce cas-là, c'est pas permis. Parce que c'est des gens qui argumentent dans le but d'établir le mensonge et la fausseté et qui combattent les textes du Coran et de la Sunna. Donc dans ce cas-là, c'est pas permis de rentrer dans des argumentations avec ces gens-là, excepté pour un savant de l'islam qui a une base solide dans la science de l'islam, qui connaît leurs déviations et leurs égarements et qui sait comment les réfuter. Mais un musulman ordinaire qui n'a pas étudié les bases de la aqida et les fondements de l'islam et qui veut s'aventurer à rentrer dans des débats sur la religion avec ces gens-là, il risque de s'égarer lui-même et d'égarer les gens autour de lui. Et en plus de ça, il risque de se faire entrer toutes sortes de shubuhat dans sa tête, des ambiguïtés, des doutes de la part de ces gens-là, parce que ce sont souvent des gens qui sont des maîtres dans le fait de jouer avec les mots et dans le fait de déformer le sens des versets pour les tordre et leur faire prendre une signification donc qui est contraire à ce qui est dedans, donc dans la réalité de ces textes-là. Pour terminer ce chapitre, le cheikh il dit « وَهَلْ يَجُوزُ إِرْتِكَابَ الْمُحَرَّمِ مِنْ أَجْلِ التَّأْلِيفِ لَا يَجُوزُ فِعْلُ الْمُحَرَّمِ أَوْ تَرْكِ الْوَاجِبِ مِنْ أَجْلِ التَّأْلِيفِ لأن هذا فعل أهل البدع من الحزبيين وغيرهم وقال الشيخ صالح السحيمي حفظه الله تعليقا على هذه العبارة بل هو شعار الكفار قبلهم دعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى السكوت عن دعوته مقابل أن يعطوه كذا وكذا. Donc le cheikh il dit, est-ce qu'il est permis de commettre certaines choses qui sont interdites dans le but de réunir les gens, c'est-à-dire on veut unir les musulmans, donc on va accepter certaines choses qui sont haram, ou bien on va abandonner certaines choses qui sont obligatoires dans l'islam, dans le but de se réunir et de pas se diviser, soi-disant, selon que certains qu'est-ce qu'ils prétendent. Et le cheikh il dit non, ça c'est pas permis de faire qu'est-ce qui est haram ou d'abandonner qu'est-ce qui est obligatoire dans le but de rassembler les gens et d'appeler au rassemblement. Parce que ça fait partie de la voie des gens ou des actions des gens de Bid'a et des gens qui suivent des groupes et des partis hein, et qui s'aiment pour leur groupe et leur parti. Tu vois? Donc ça c'est quelque chose qui est contraire à l'islam. Et le cheikh, il mentionne les paroles de... parce que ce livre, il a été lu, comme on a dit dans l'introduction, il a été lu au Cheikh Ubayd al-Jabiri et au Cheikh Salih al-Suhaymi. Et parfois, durant la lecture, lorsqu'on leur a récité ou lu le livre, ils ont fait quelques commentaires. Et à propos de cette parole-là, justement, Cheikh Salih al-Suhaymi, il a expliqué ou il a donné un commentaire à propos de cette expression-là ou de cette parole-là, du fait de réunir les gens et de les réunir sur ce qui est haram ou d'abandonner ce qui est obligatoire dans le but de réunir les gens. Il a dit ça, c'est en fait le slogan des koufars même. Ça, c'est même le slogan des koufars, même avant ces groupes de bid'ah et avant ces hizbiyyin, puisqu'ils ont appelé le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, à se taire. Ils ont appelé, pardon, je m'excuse, j'ai les chats dans la gorge, comme on dit. Ils ont appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à se taire par rapport à sa da'wah et à cesser d'appeler les gens à la ilaha illallah et à Muhammad Rasulullah en échange de certaines choses qu'ils lui offraient des différentes choses de la dunya. Donc ils sont venus voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit, si tu cesses ta da'wah, si tu arrêtes d'appeler les gens à la ilaha illallah, à Muhammad Rasulullah, ben nous en échange de ça, on va te donner les plus belles femmes que tu veux parmi nous. Même on va te choisir, si tu veux, on va te mettre comme le chef parmi nous. C'est toi qui vas être le roi. Et si tu veux, on va te donner tous nos biens, toutes les richesses, tu vas être le plus riche d'entre nous. Mais arrête ta da'wah, arrête d'appeler à l'islam, arrête d'appeler à la ilaha illallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a répondu, il leur a dit, même si vous mettez la lune dans ma main droite et le soleil dans ma main gauche, même si vous me donnez tout, je vais jamais arrêter ma da'wah. Et donc ça, c'est pour faire comprendre que on peut pas accepter qu'est-ce qui est contraire à l'islam et se taire par rapport à qu'est-ce qui est obligatoire ou par rapport à qu'est-ce qui est interdit dans le but soi-disant de vouloir unir les gens. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pu dire aux arabes à l'époque, on va tous s'unir, puis on va mettre de côté nos divisions et nos divergences. Et même eux, ils étaient d'accord avec ça. Ils lui ont dit, arrête ta da'wah, puis on va s'unir autour de toi, on va te donner tout ce que tu désires. Et il a refusé ça. Donc d'accepter ce genre de choses-là, c'est contraire même aux bases de l'islam. Maintenant, on passe à un autre point parmi les chapitres du livre. C'est le chapitre ou la partie numéro 3. Al-Fasl al-Thalith, Bara'atu al-Salafiyya min al-Hizbiyya. Bara'atu al-Salafiyya min al-Hizbiyya. C'est-à-dire que la Salafiyya, elle n'a rien à voir avec le partisanisme ou les groupes ou le fait de se diviser en groupes et en partis, puisque la salafia c'est l'islam dans toute sa pureté, dans toute sa signification réelle, c'est-à-dire c'est l'islam tel qu'elle était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'époque des sahaba avant que les sectes et que les divisions apparaissent. Donc c'est ça la salafia, c'est la voie des salafs. Et on a expliqué que la salafia ça signifie les sahaba, les salafs c'est les prédécesseurs, ceux qui nous ont précédés dans la religion, et les prédécesseurs, ceux qui nous ont précédés dans la religion, ce sont les sahaba, ce sont les tabi'in, les élèves des sahaba, et les tabi'in, c'est-à-dire ceux qui ont étudié avec les élèves des sahaba et qui se sont transmis la religion de cette manière de génération en génération sans rajouter ni enlever quoi que ce soit dans la croyance, que ce soit dans la croyance, que ce soit dans les pratiques ou que ce soit dans les règles de la religion. Ils ont transmis la religion telle qu'elle était, génération en génération, et ils ont appris cette religion-là les uns des autres, ils se l'ont transmis de bouche à oreille et face à face, de transmission de cette manière-là jusqu'à notre époque. Et ils ont préservé pour nous le Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans son authenticité. Donc, bien entendu, il y a des gens aujourd'hui parmi des différents groupes islamiques qui bien entendu, ont des oppositions à par rapport à cette da'wa. Ils ont des oppositions par rapport à cette da'wa parce qu'elle vient en contradiction avec qu'est-ce qu'ils ont appris ou qu'est-ce qu'ils transmettent, et qu'ils se sont accrochés à certaines passions ou à certaines innovations qui sont apparues après l'époque des sahaba et des tabi'in. Donc, ils ont une opposition face à la voie des salafs et ils essaient donc de faire passer la salafia pour un groupe parmi les différents groupes qui existent. Et c'est pour ça que le cheikh il dit maintenant, بعد أن وفق الله تعالى الدعاة للدعوة إلى منهج السلف الصالح وكانت هناك استجابة كبيرة إلى هذا المنهج مع قوة الظروف على الدعاة والحرب الضروس التي تعاون فيها أعداء السنة من الحزبيين وغيرهم وخصوصا في بلادنا حيث مليت بالسلفيين السجون وقتل بعض الدعاة وحاول أعداء السنة تشويه هذا المنهج وأثاروا عليه الحملة الدعائية المغرضة ووصفوه بأنه حزب وهابي أسسه محمد بن عبد الوهاب فصد كثيرا من الناس عن الدعوة السلفية ولذلك وجب علينا أن نعرف ونعرف بالدعوة السلفية وبراءتها من الحزبية الباطلة. Donc le cheikh il dit que donc Allah subhanahu wa ta'ala il a donné le tawfiq, il a donné le succès aux gens qui appellent à cette da'wa au manhaj des salaf al-salih. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont accepté ce manhaj. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Pourquoi ? Parce que c'est l'appel de l'islam, comme j'ai dit, selon la compréhension des premiers musulmans, des sahaba et des tabi'in et de ceux qui les ont suivis. Et en réalité, il n'y a personne à qui on peut expliquer ou présenter les enseignements de cette da'wa, excepté qu'il va l'accepter si c'est une personne qui est sincère et qui est honnête. Hein? Puisque il n'y a rien dans cette da'wa qui vient en contradiction avec ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Hein? Et c'est pour cette raison-là que lorsque on explique aux gens la réalité de ce message, de cette da'wa salafia, et qu'on leur enseigne le tawhid et l'importance de suivre la Sunna et d'opposer le shirk et les bid'ah et de s'accrocher fermement au Coran et à la Sunna et à la compréhension des salaf al-salih, yani ils acceptent lorsqu'ils ont entendu les paroles des ulama de l'islam et les clarifications à ce sujet-là. Donc c'est tout à fait normal. Là, souvent qu'est-ce qui se passe, c'est que des gens ont des mauvaises conceptions ou des préjugés vis-à-vis de la da'wa à cause de ce qu'ils ont entendu de mensonges et de faussetés à propos de celle-ci. Donc, à cause de ça, parfois, on entend de la part de certaines personnes des commentaires ou des critiques face à la salafia. Mais ce sont souvent des critiques ou des commentaires qui ne sont pas fondés, hein, ou qui ne sont pas établis sur une connaissance réelle de ce que la salafia signifie. Et donc, le cheikh, il dit que, donc, on voit qu'il y a eu une réponse très grande de la part des gens vis-à-vis de cette da'wa et de ce manhaj, malgré les dures oppositions qui sont placées et de la situation difficile dans laquelle les gens qui appellent à cette da'wa sont placés dans certains pays, puisqu'on voit qu'il y a une guerre féroce, hein, qui est, disons, établie contre cette da'wa dans les pays musulmans et également dans les pays non musulmans, de la part des ennemis de la Sunna et de la part des groupes et des individus qui suivent ces groupes, hein, des différents partis islamiques, et en particulier, il dit, dans notre pays, c'est-à-dire en Irak, parce que l'auteur de ce livre-là, c'est un des chouyouk de l'Irak. Il dit qu'on a vu que les prisons ont été remplies de frères salafis, des gens qui sont salafis, et que beaucoup de gens qui invitaient au Coran et à la Sunna et à la voie des salafs ont été tués, hein, dans ces pays-là. Et beaucoup de gens ont essayé de salir l'image de ce manhaj et ils ont essayé de faire une mauvaise réputation aux gens qui appellent à cette voie. Et ça, on l'a remarqué partout dans le monde, pas seulement dans certains pays musulmans, mais également même dans les pays non musulmans, et même ici à Montréal, de la part des gens de Bid'a, que ce soit les Hezbiyin, parmi les différents groupes, comme les Ikhwan ou bien les Soufiyin, on a vu de la part de ces gens-là, qui se sont réunis entre eux pour salir l'image de la da'wah salafia et faire fuir les gens de cette da'wah en disant à leur sujet des choses qui sont incorrectes, ou bien parfois en disant des choses fausses, des fausses accusations, ou bien parfois en disant des choses vraies à leur sujet, mais en mettant ces choses-là en dehors de leur contexte pour essayer de faire croire aux gens que ce qu'ils enseignaient ou ce qu'ils disent est en contradiction avec l'islam. Bien entendu, yani, si on remet les choses dans leur contexte réel, on réalise qu'il n'y a rien de contradictoire dans ces enseignements-là. Et que tout ce qui est enseigné dans les enseignements de ceux qui appellent à la salafia est en accord avec qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna et avec le consensus des imams de l'islam à toutes les époques. Donc, certains ont ramené comme moyen de, disons, salir, pas salir, mais disons de faire fuir les gens, de faire peur aux gens par rapport à cette da'wah, c'est de leur faire croire que c'est un parti qu'on appelle le parti wahhabi, et que ce sont les gens qui suivent la voie des salafs, sont des wahhabites, comme ils les appellent, des wahhabites, qui a été fondé par Muhammad ibn Abdul Wahhab. Et ils disent que c'est une secte qui est extrémiste, qui est fondée en Arabie Saoudite par Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc, bien entendu, ça c'est des exemples de ce qu'on entend, et c'est tout à fait faux. C'est tout à fait faux, puisque la da'wah salafia, comme on l'a expliqué et comme on l'explique tout le temps, la voie des salafs, elle existait bien avant le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, elle existait bien avant Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, elle existait bien avant le Cheikh Mohammed, le Cheikh ibn al-Qayyim, et bien avant l'imam Ahmad ibn Hanbal, et bien avant l'imam al-Shafi'i, et bien avant l'imam Malik, et bien avant l'imam Abu Hanifa, et bien avant ces grands imams parmi les imams des salafs. Cette da'wah, c'est la da'wah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est la da'wah des sahaba et de ceux qui les ont suivis. Et ceux qui sont venus après, parmi les grands imams qu'on attribue à cette da'wah salafia, eh bien en réalité, ce ne sont que des grands savants de l'islam qui ont fait revivre les fondements et les principes de ce manhaj, de cette da'wah, et qui les ont revivifiés. C'est tout. Ils n'ont rien ramené de nouveau, ils n'ont rien ramené d'eux-mêmes. D'accord? Donc, la façon de présenter la da'wah comme étant une da'wah wahhabiyya et de dire que c'est la da'wah du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, ça c'est, bien entendu, une forme de, une façon de faire peur aux gens, de faire fuir les gens, en leur faisant croire qu'on suit un groupe ou un parti qui est contraire ou qui enseigne des choses contraires à l'islam. Bien entendu, c'est, comme on l'a dit, c'est pas correct. Et il y a des exemples de qu'est-ce qui s'est passé à ce sujet-là par rapport à qu'est-ce qui a été dit dans certains pays musulmans. Par exemple, dans certains pays musulmans, on a entendu que certains individus, par exemple, insultaient ou critiquaient le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et disaient à son sujet toutes sortes de choses. Et quelqu'un parmi les étudiants, justement, a pris un des livres de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, Kitab al-Tawhid, et il a enlevé la couverture de ce livre. Et il l'a amené au Cheikh, qui critiquait le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il lui a donné le livre, il lui a dit, voici un livre sur le Tawhid. Je l'ai trouvé, je voudrais savoir ce que vous en pensez. Donc, le Cheikh, il a pris le livre, il l'a ramené chez lui, il l'a lu. Et le lendemain, il est revenu voir l'étudiant qui lui a donné le livre. Et il lui a dit, bon, voici le livre que tu m'as prêté hier, je l'ai lu et j'ai jamais lu un livre meilleur que celui-là sur le Tawhid. Donc, l'étudiant a dit au Cheikh, Vous savez, celui que vous insultez tout le temps et que vous dites à son sujet des choses tout le temps mauvaises, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, eh bien ce livre-là, c'est un livre qui a été écrit par celui-là, écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Alors, à partir de ce jour-là, hein, il s'est repenti d'avoir dit les choses qu'il avait dites à son sujet et il est revenu sur ce qu'il avait comme opinion à propos du Cheikh et à chaque fois qu'il avait l'occasion, il mentionnait du bien par la suite du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, parce que beaucoup de gens qui le critiquent, ils le critiquent par rapport à ce qu'ils ont entendu et ils ne font que le répéter. Mais peu d'entre ces gens-là ont pris l'effort ou la peine de lire par eux-mêmes ces livres et de voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et s'ils le faisaient, ils réaliseraient qu'il n'y a rien d'autre dans ces livres que qu'est-ce qui est dans le Coran et dans les hadiths authentiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et donc, il n'y a aucune raison de s'opposer ou de le critiquer ou d'essayer de faire croire que sa da'wah est une da'wah qui s'oppose à la da'wah du Coran et de la Sunna. Le Cheikh il dit ensuite: فصدوا كثيرا من الناس عن الدعوة السلفية ولذلك وجب علينا أن نعرف ونعرف بالدعوة السلفية وبراءتها من الحزبية الباطلة. Donc il est nécessaire, à cause de tout ce qu'on a mentionné, de faire connaître aux gens et d'expliquer, de connaître et de faire connaître aux gens qu'est-ce que c'est cette da'wah salafia, et de faire connaître aux gens le fait que cette da'wah elle est innocente de toute forme de partisanisme qui sont fausses ou contraires à l'islam. Et il y a aussi par rapport, comme on a expliqué, par rapport à la salafia, il y a des gens qui ont une réticence vis-à-vis de l'utilisation de ce terme et ils n'aiment pas entendre le terme salafia, et certains ils ramènent souvent comme excuse ou comme argument que dans certains pays musulmans il y a des gens qui ont commis des actes de terrorisme ou des actes de tuerie, des choses de ce genre, et ils essayaient de s'approprier le terme ou le nom de la salafia. Hein? Dans certains pays, comme en Algérie ou dans d'autres pays musulmans aussi, et ils se donnent le nom parfois de la salafia jihadia ou des choses de ce genre. Et certains, donc, à cause de ça, ils disent donc qu'il ne faut pas employer la salafia. Et en réalité, le fait que certains individus, par exemple, se soient accaparés de ce nom et lui ait donné une fausse signification ou une signification contraire à la réalité de ce que ça signifie, eh bien, c'est pas une raison pour que nous, on cesse de l'employer, de l'utiliser. Eh bien, au contraire, ça devient pour nous maintenant une responsabilité, une obligation de ramener ou de redonner à ce terme ou à ce mot sa vraie signification et de la nettoyer et de la purifier des choses fausses qui lui ont été attribué. Parce que la da'wah salafia, elle n'a rien à voir avec les actes de terrorisme ou bien avec, par exemple, les tueries que certains de ces groupes d'égarement, parmi les groupes de Khawarij et de Takfir, ont commis dans les pays musulmans. Et c'est un peu comparable à l'exemple de si, par exemple, des gens dans un pays musulman commençaient à faire des actes de terrorisme et se nommait par exemple le groupe pour la défense de la Sunna. Hein? Et il commençait à dire, nous appelons à la Sunna et nous sommes le groupe de la Sunna. Hein? Eh bien, est-ce qu'on cesserait de s'appeler Ahl Sunna et d'appeler les gens à la Sunna parce que ces gens-là font des actes contraires à l'islam et qu'ils se donnent le titre ou le nom de la Sunna? Non. Hein? Dans le sens que on peut pas cesser d'utiliser cette appellation-là à cause de ces actions-là. Mais toutefois, il faut clarifier aux musulmans et expliquer aux musulmans la réalité de ce que ça signifie et en même temps expliquer aux gens que ce que ces gens-là ont fait est contraire au Coran et à la Sunna. Et le cheikh il dit ensuite al-adillatu min al-kitab wa sunnah fi an-nahy 'an at-tahazzub. Donc là il y a des points qu'on va clarifier dans les cours qui vont suivre inshallah. Et parmi ces points là le cheikh il dit wa fi hadha al-fasl sanata'arafu 'ala al-mabahith al-atiya. Donc voici les titres qu'on va ou les points qu'on va étudier dans les dans ce chapitre. اولا الادله من الكتاب والسنه في النهي عن التحزب c'est-à-dire les preuves du Coran et de la Sunna pour interdire le fait de créer dans l'islam dans la religion des groupes et des partis. Donc ça c'est pour montrer les preuves de dans l'islam du Coran et de la Sunna qu'on n'a pas le droit dans l'islam de créer des groupes et des partis et de se diviser entre nous. D'accord. Donc on va faire ça en premier. Après, deuxièmement, le cheikh il dit بعض أقوال السلف في النهي عن التحزب. Certaines paroles des salafs qui prouvent l'interdiction de se diviser en groupes et en parties. ثالثا بعض أقوال العلماء المعاصرين في النهي عن التحزب. Certaines paroles des savants contemporains au sujet de l'interdiction de se diviser en groupes et en parties. رابعا مساوي الحزبيه c'est-à-dire les méfaits du partisanisme et le fait de se diviser en groupes et en partis. خامسا الحزبيه انواع وصور مختلفه c'est-à-dire الحزبيه ce sont des, et donc on va parler des différentes manifestations et des différentes sortes de حزبيه qui existent. Parce qu'il y en a différentes sortes, il n'y en a pas qu'une. Et les choubahs des hizbiyin, les différentes choubouhat. C'est-à-dire, parfois les gens de hizbiyah, pour essayer de justifier le fait de faire des groupes islamiques ou des partis, ils utilisent certains arguments. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire ces arguments-là et essayer de clarifier, wa alaykoum salam wa rahmatullah, clarifier les réponses à donner à ce sujet-là. Et ça c'est très important, c'est très important, il ne faut pas penser qu'on n'est pas concerné par ce sujet-là, parce que maintenant, dans la plupart des pays musulmans, il y a des groupes islamiques. Et même ici à Montréal, il y a différents groupes islamiques. Hein? Et dans presque la plupart des mosquées à Montréal, on peut dire que chacune de ces mosquées-là, ou bien même certaines de ces mosquées, ou plusieurs parfois parmi ces mosquées-là, ils sont reliés à un groupe islamique. Mais ils le disent pas, hein, ils le disent pas ouvertement. C'est-à-dire que vous allez voir que certaines mosquées portent différents noms, hein, et ils s'affilient pas nécessairement à un groupe. Mais dans leur méthodologie et dans leur façon de comprendre l'islam et de comprendre la religion, ils sont affiliés à certaines organisations ou à certains groupes islamiques ou à certains partis. Que ce soit les Ikhwan, que ce soit Jamaat Tablir, ou que ce soit parfois même des différents groupes, soit de takfir, ou de khawarij, ou d'autres idéologies de ce genre. Ou parfois d'autres jama'at qui sont dans d'autres pays musulmans. Parfois ils ont différentes origines, parfois c'est différents fondateurs. Par exemple, il y a des mosquées qui sont reliées à ce qu'on appelle les Diobandiyas, dans certaines mosquées chez les Pakistanais par exemple, ou chez les Indiens, et puis il y en a dans d'autres villes ou dans d'autres endroits qui sont reliés à d'autres groupes et à d'autres organisations ou associations. Et donc c'est très important donc de savoir qui sont ces groupes-là, d'où est-ce qu'ils viennent, sur quoi ils se basent, c'est quoi les différences entre ces groupes-là, pour être capable justement de suivre le Coran et la Sunna et de s'accrocher à la vérité et de se méfier d'être mis en garde vis-à-vis de ces différentes tendances-là pour être capable de savoir où est-ce qu'il y a la vérité dans ce que ces gens-là disent et où est-ce qu'il y a le mensonge. Comme ça, Inch'Allah, on ne se laisse pas manipuler, on ne se laisse pas détourner ou dévier du droit chemin. Hein? Et on voit que souvent, qu'est-ce qui est étonnant, c'est que ces gens-là, par exemple, on remarque qu'ils refusent de dire ouvertement ou d'expliquer ou de dire ouvertement qu'ils appartiennent à une tendance ou à un groupe, alors que yani, c'est clair qu'ils appartiennent à ces différents groupes, tandis qu'ils blâment les gens qui suivent la voie des salafs de dire clairement qu'ils sont salafis et de l'expliquer ouvertement. Et ils disent que les salafis divisent les musulmans. Alors qu'en réalité, tu dis, subhanallah, vous, vous faites partie des groupes, et parce que vous ne le dites pas, et parce que vous le cachez aux gens, vous pensez qu'en le cachant, vous êtes en train d'unir les musulmans et de ne pas les diviser, alors que c'est en faisant ça que vous êtes en train de les diviser, puisque vous les unissez sur autre que la vérité. Vous les unissez sur autre que le Coran et la Sunna. Tandis que nous, on n'a rien à cacher. Donc, qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer et d'enseigner? Tout ce qu'on enseigne, c'est ce qui est dans le Coran et dans la Sunna et dans les paroles des ulama qui suivent la voie des salafs salih. Et donc, ce qu'on suit, c'est la salafia. Et c'est la voie des salafs. Et on est des salafis. D'accord? Parce que ça, c'est obligatoire pour nous. Et c'est ce qui est ordonné par Allah dans le Coran et dans la Sunna. Et on ne se cache pas derrière d'autres choses. Hein? D'autres affiliations ou d'autres tendances. Et donc, c'est ça ce qu'on veut expliquer maintenant. Que la seule devoir et la seule obligation des musulmans, c'est de s'accrocher au Coran et à la Sunna et de ne pas se diviser en groupes et en parties. Le Cheikh, il dit, قال الله تعالى, شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. C'est le verset 13 dans sourate Shura. Et ça, c'est un verset qui prouve qu'on est ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala de suivre qu'est-ce qui a été légiféré comme religion par Allah subhanahu wa ta'ala à tous les messagers, en commençant par Nuh. Et qu'est-ce qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'est-ce qui a été ordonné à Ibrahim et à Moussa et à Isa, d'établir la religion et de ne pas se diviser au sujet de la religion. Donc la division dans la religion, c'est quelque chose de haram, c'est quelque chose qui est interdit. De se diviser dans la religion, c'est quelque chose qui est haram et qui est interdit. Et qu'est-ce que ça signifie de se diviser dans la religion? C'est-à-dire de se diviser dans les fondements de la religion, dans la croyance, d'amener des innovations dans les croyances et dans les pratiques religieuses, hein, d'opposer les fondements de l'islam, ou bien d'opposer qu'est-ce qui est accepté par consensus entre les imams de l'islam. Hein, quand tout le monde est d'accord sur quelque chose, toi tu viens avec une contradiction ou une opposition à cet ijma, là tu divises les musulmans en faisant ça. Hein? Bien entendu, si c'est des questions d'ijtihad, des questions dans lesquelles il y a divergence entre les ulama, pas par rapport à une passion ou à suivre les désirs ou à ramener des choses dans la religion qui n'en font pas partie, mais par rapport à une divergence dans la façon de comprendre certains versets ou certains hadiths, et quand cette divergence-là est basée sur une ijtihad, donc ça c'est des divergences qui peuvent arriver dans la religion et qui sont pas des divergences qui ramènent des divisions entre les musulmans. Mais les divisions, c'est quand les gens se divisent dans l'aqida ou dans le manhaj ou dans le tawhid ou dans les principes de base de l'islam. Ça ramène de la division. Et comme on expliquait dans les cours précédents, il y a des musulmans à notre époque maintenant qui sont en train de dire aux musulmans que c'est pas grave qu'il y ait des divisions dans la religion et que les gens sont en groupe et en secte. Il faut tous être unis malgré nos divergences et s'excuser les uns les autres dans ces divergences-là, hein, et travailler ensemble sur les choses dans lesquelles on est d'accord et on laisse de côté les choses sur lesquelles on est divisé. Même si ces divisions-là sont dans les fondements de la religion, et ça c'est bien entendu totalement et complètement absurde. Et c'est pas possible de s'unir avec des gens qui contredisent l'islam dans les bases de l'islam. Hein? Comme de s'unir par exemple, ou de se rallier avec les Rafidah par exemple, les Shia Rafidah qui insultent les Sahaba. Est-ce qu'on peut s'unir avec des gens qui insultent les Sahaba? Puisque on sait très bien que tout ce qui nous est parvenu de l'islam à notre époque, du Coran et de la Sunna, ça nous a été transmis par les Sahaba. Donc si quelqu'un vient et insulte les Sahaba, il est en train d'attaquer le lien même qui existe entre nous et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette chaîne de transmission qui nous relie à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ils sont en train d'attaquer l'authenticité même de cette religion là hein? Et sans oublier qu'ils contredisent la aqida de l'islam dans les plusieurs fondements de l'islam, en commençant par le tawhid hein? En commençant par le tawhid, puisque ce sont des gens qui adorent les tombes, adorent les morts, évoquent des êtres et des créatures en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, cherchent d'eux le refuge et l'aide en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les moments de détresse et dans d'autres moments également. Donc bien entendu, ça c'est un exemple. Et également d'autres groupes qui ont dévié dans d'autres questions de la croyance islamique, que ce soit dans les attributs d'Allah, à l'asma wa sifat, ou bien dans les questions de la foi, comme par exemple les gens qui appelle à la voix des Khawarij, à la rébellion contre les dirigeants, et yani également au takfir des musulmans. Donc ça c'est des exemples. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et on voit justement de ces exemples là maintenant qu'est-ce qui se passe dans certains pays musulmans actuellement, où des gens appellent à la rébellion et à des émeutes et à des manifestations et à se rebeller contre les gens qui sont au pouvoir. Et ça, ça fait partie des voix des Far et des Mushrikin, et ça fait partie des voix des Khawarij et des Mu'tazila et des gens de Bid'a. Ça fait pas partie de la voix d'Ahle Sunnah wal Jama'a. Ahle Sunnah wal Jama'a, au contraire, ils appellent pas au chaos et au désordre, mais au contraire, ils appellent à l'unité, à l'union, et ils appellent également à l'obéissance aux dirigeants dans le bien, et bien entendu ils appellent aussi également à donner la nasiha aux dirigeants hein, de la manière qui a été acceptée et expliquée par la charia de l'islam, c'est-à-dire que si tu vois de ton dirigeant quelque chose qui est incorrect, que ce soit de l'injustice ou du mal ou y a des choses de ce genre, eh bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné d'écouter et d'obéir à ce dirigeant dans le bien et de lui donner la nasiha, c'est-à-dire de lui transmettre le bon conseil et d'essayer de corriger ce mal par les méthodes qui sont enseignées par la charia, c'est-à-dire de transmettre le bon conseil à ces dirigeants-là, d'ordonner le bien et d'interdire le mal, yani, selon la méthode qui a été expliquée par yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba et ceux qui les ont suivis, c'est-à-dire sans prendre les armes contre eux ou sans se rebeller contre eux ou sortir comme ils font maintenant dans certains pays comme en Tunisie ou en Algérie, les masses qui sortent dans les rues pour crier yani. Et comme disait le cheikh à ce sujet-là justement, cheikh Mohamed ibn Hadi al-Madkhali dernièrement, et beaucoup d'autres mashaykh, ils ont parlé de ça. Ils ont dit que yani, la façon dont ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font maintenant, c'est quelque chose qui est rejeté par l'islam, c'est quelque chose qui est contraire à la religion de l'islam. Et yani, le fait de se plaindre des difficultés de la vie, de la hausse des prix, de la hausse du coût de la vie ou des choses de ce genre, yani, le cheikh il a mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois il passait des mois sans manger de viande, des fois il avait rien à manger hein, et malgré tout il était patient, il endurait hein, et il mentionnait plein d'autres choses yani, qui ont rapport à ces choses-là. Et il parlait aussi du suicide hein, il expliquait que le suicide c'est quelque chose qui est contraire à l'islam, qui est haram hein. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné à propos de celui qui se suicide plein de menaces sévères yani, du fait que la personne qui se suicide elle continuera à se suicider dans l'enfer de la manière qu'elle s'est tuée dans cette vie d'ici-bas hein. Et il a mentionné également le cheikh que ces gens-là ils font des revendications en se basant sur les systèmes des kuffar de l'Europe, hein, et ils ne suivent pas l'exemple, hein, de l'islam dans ces revendications-là. Donc ça, c'est des exemples, juste en passant par rapport à ça. Mais c'est des choses qui ramènent des divisions entre les musulmans, puisque c'est des contradictions qui viennent en opposition avec les fondements de ce manhaj. D'accord? Donc ça, c'est très important de le comprendre. Après, le cheikh, il donne un autre verset. Oui, donc dans le même verset, Allah subhanahu wa ta'ala, an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi. Après, il dit kabura 'ala al-mushrikeena ma tad'uuhum ilayh. Kabura 'ala al-mushrikeena ma tad'uuhum ilayh. C'est-à-dire, les mushrikoun, quand tu les appelles à s'unir dans la religion, pour eux, c'est quelque chose d'inconcevable. Ils ne peuvent pas comprendre comment les hommes pourraient être tous unis sur la même croyance et sur la même religion. Donc, ils n'arrivent pas à accepter ça ou à concevoir ça. Et pour eux, hein, la seule chose qu'ils peuvent comprendre, c'est la division. Et c'est bien normal, puisqu'ils ne sont même pas unis dans ce qu'ils adorent. Ils adorent chacun une idole différente ou une chose différente. Et quand tu les appelles à cesser d'adorer tout ce qu'ils adorent en dehors d'Allah et de limiter leur adoration à Allah seul, ça pour eux c'est, hein, une chose impossible. Hein, ils peuvent pas accepter, ils veulent pas accepter ça. Hein, bien entendu, pourtant c'est clair que c'est la vérité. Donc le cheikh il dit dans le verset 159 dans sourate Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala il dit innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay. Innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne donc dans ce verset-là que ceux qui se sont divisés dans leur religion et qui sont devenus des partis et des groupes, tu n'as rien à voir avec eux. C'est le verset 159 dans sourate Al-An'am. Innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay'in. Innama amruhum ila Allah. Leur cas, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va le régler. Hein? Puis, il va les informer de ce qu'ils faisaient. Et il mentionne un autre verset à ce sujet dans le verset, dans Surat Al-Imran, verset 103. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, wa'tasimu bihablillahi jami'an, wa la tafarraqu, wa'zkuru ni'matallahi alaykum, iz kuntum a'da'an, فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 103 dans sourat Al-Imran, et accrochez-vous tous ensemble au câble d'Allah. Et le câble d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est quoi? C'est le Coran. Hein, tu connais la réponse? Non, c'est. Yani, les ulama dans le tafsir, ils ont mentionné beaucoup de choses. La ilaha illallah, ou bien il y en a qui ont mentionné que c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a qui ont mentionné que c'est le Coran, le livre d'Allah. D'autres ont mentionné que, al-i'tisam, bihablillah, le câble d'Allah, que c'est as-sirat al-mustaqim. Donc, différentes paroles ou différentes interprétations ont été mentionnées par les ulama à ce sujet-là. Mais, toutes ces interprétations différentes, elles convergent. C'est-à-dire, elles ramènent toutes à une même compréhension du fait que le câble d'Allah, c'est l'islam. Hein? C'est de suivre le Coran et la Sunna et de s'accrocher à ça. وَلَا تَفَرَّقُوا. Et ne vous divisez pas. D'accord? Donc, de se diviser dans la religion, c'est quelque chose d'interdit. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Et souvenez-vous de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous lorsque vous étiez des ennemis et que Allah subhanahu wa ta'ala a réuni vos cœurs et vous êtes devenus des frères par sa grâce. Et vous étiez au bord d'un gouffre croulant, hein, au bord d'un gouffre de feu croulant, et Allah subhanahu wa ta'ala vous en a sauvés. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala clarifie pour vous ces signes pour que vous puissiez être bien guidés. Et donc, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il a uni entre nos cœurs, hein, par quoi? Par la foi, par le tawhid. Et on est devenu par sa grâce par la suite des frères. Et comme les ulama ont expliqué dans ce verset, ils ont dit que si les gens s'unissent sur leur aqidah, et sur leur manhaj et leur compréhension de l'islam, et ils ont une aqida qui est la même, Allah subhanahu wa ta'ala va les unir physiquement par la suite, comme résultat de cette union, du fait qu'ils ont été unis sur la foi et sur la vérité. Mais tant que les musulmans vont rester divisés en groupes et en sectes entre eux, et qu'ils auront des divergences dans leurs croyances, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas les unir physiquement. Et vous voyez ça dans les faits, concrètement, lorsque des gens sont divisés dans leurs croyances, sont divisés dans leur compréhension de l'islam, eh bien vous voyez qu'ils se divisent entre eux, ils s'éloignent les uns des autres, ils se divisent. Et ça c'est le résultat justement du fait que ils ont contredit le Coran et la Sunna, ils ne se sont pas accrochés sur le câble d'Allah. Et remarquez que dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il spécifie bihablillah, c'est-à-dire cramponnez-vous tous au câble d'Allah. C'est pas juste mettez-vous tous ensemble et unissez-vous sur n'importe quoi. Non, sur le câble d'Allah. Donc c'est-à-dire sur le Coran et la Sunna. Parce qu'il y a des musulmans aujourd'hui qui veulent qu'on s'unisse, mais qu'on s'unisse sur n'importe quoi. Sur une cause, ou sur une idée, ou sur un individu. Hein? On prend un chef, puis on s'unit autour de lui, ou bien des choses de ce genre, sans prendre en considération le fait de s'accrocher au câble d'Allah. Et ça, bien entendu, c'est quelque chose qui est contraire à la compréhension réelle de l'unité. Et qu'est-ce que ça signifie d'être uni ? D'être unis, on ne peut pas juste vouloir s'unir de façon sentimentale et en se basant sur des sentiments et des émotions, en disant par exemple aux gens « Oh les musulmans, cessons d'être divisés, unissons-nous, travaillons ensemble, et soyons des frères ». Ça ne peut pas être juste comme ça. Il faut que, pour qu'on s'unisse réellement, il faut qu'on accepte de s'entendre sur les bases de l'islam et de corriger les erreurs qu'on a, et de remettre en question les contradictions qu'on a vis-à-vis de l'islam pour revenir à la vérité. Et chaque groupe qui a une tendance contraire au Coran et à la Sunna, ou qui a une bid'a ou une innovation, laisse de côté cette innovation, laisse de côté cette tendance, laisse de côté cette erreur dans la compréhension, et ça s'unit avec les autres sur qu'est-ce qui est clair de l'islam, sur qu'est-ce qui est clair de la vérité. Et c'est ainsi que par la suite les gens pourront s'unir vraiment. Mais si c'est juste de dire il faut qu'on soit unis les frères, hein, si c'est comme ça on peut s'unir avec tout le monde, hein. Si c'était juste de s'unir, alors on peut s'unir avec les hindous, avec les bouddhistes, avec les krishnas, avec les juifs et les chrétiens, hein, avec ceux qui adorent d'autres avec Allah. Et c'est pas ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne. Allah nous ordonne de nous unir sur al-haq, sur le tawhid, sur la sunna, sur la vérité. Et si on fait ça, c'est là que Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner le tawfiq. Le Cheikh il dit ensuite: wa min as-sunnati al-mutahhara ahadith kathira fi an-nahy 'an at-tahazzub minha. Qala 'alayhi salatu wassalam: إنما هلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. Donc le cheikh il mentionne un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, dans lequel il dit que ceux qui ont péri avant vous, ils ont uniquement péri à cause de leurs nombreux questionnements et à cause de leur divergence vis-à-vis de leurs messagers. Hein? Donc lorsqu'ils ont contredit leur prophète, ils ont divisé, ils se sont divisés, ils ont divergé. Ensuite le cheikh il dit: wa qala alayhi salatu wassalam innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin min ba'di akhrajahu Abu Daoud. Donc ça c'est un hadith qui est connu, le hadith de Al-Irbad ibn Sariya, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui va vivre après moi va avoir beaucoup de divergences. Alors accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il mentionne qu'il va y avoir des divergences. mais que pour résoudre ces divergences-là, il faut s'accrocher à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam et en plus de ça, à la sunna des khulafa, c'est-à-dire la sunna des khulafa rachidin, des sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam après lui. Et comme exemple encore, il mentionne wa qala alayhi salatu wa salam اقرأوا القرآن ما تلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا. Ça, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam muslim. Et on voit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il incite les sahaba toujours à l'unité et au fait de laisser de côté tout ce qui peut ramener entre eux de la divergence ou des divisions entre eux. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, récitez le Coran tant que vos cœurs restent unis. Puis si vous divergez sur quelque chose, alors levez-vous. Récitez ensemble le Coran tant que vous êtes unis dans sa compréhension et sur qu'est-ce que ça signifie. Et quand vous divergez, levez-vous. C'est-à-dire on n'a pas le droit de diverger et de faire des divergences entre nous sur le Coran et la Sunna. Hein? Et combien de fois on a vu des hadiths, des exemples dans les hadiths, lorsque, par exemple, des sahabas se sont assis entre eux et ils ont commencé à débattre ou argumenter sur des versets sur lesquels ils n'étaient pas d'accord entre eux. Et lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a vus en train de lever la voix, hein, d'élever le ton au sujet de ces versets-là, lorsqu'ils divergeaient entre eux, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère. Hein? Il a dit, déjà, vous commencez ça, alors que je suis encore parmi vous, vous commencez déjà à faire des argumentations et des débats, et il leur a interdit, hein, de faire ce genre de choses. Donc, l'islam, le Coran et la sunna, ce ne sont pas des sujets de débat et d'argumentation pour faire des disputes entre les musulmans. Entre nous, on s'assoit, commencer à se disputer sur les versets ou sur les hadiths, comme le font malheureusement beaucoup d'entre les jeunes aujourd'hui. Quand ils s'assoient pour parler de religion, c'est juste pour débattre et faire des disputes. Et ça, c'est contraire même à l'esprit de l'islam. C'est contraire à tout ce qui est dans le Coran et dans la Sunna comme preuve. Donc, si on n'est pas d'accord sur quelque chose, dans le Coran ou dans la Sunna, l'ordre, c'est de ramener la divergence à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et si on ne sait pas, on se tait. Et on va vérifier avec les ulama de l'islam. On leur demande l'explication et la clarification. Ou on retourne au texte des hadiths ou des tafsirs pour arriver à comprendre ces choses-là. Ou bien si c'est un hadith et on veut comprendre sa signification, on n'est pas d'accord sur sa signification, on retourne au livre des shurouh, des ulama qui ont clarifié et expliqué la signification de ces hadiths-là. C'est pas de commencer chacun de notre côté, on commence à se disputer sur les versets, sur les hadiths et à s'insulter ou à se mettre en colère et à faire des disputes dans la religion d'Allah. Parce que c'est ça qui cause des divergences et des divisions, et c'est ça par la suite qui ramène des sectes et des égarements. Donc ça, c'est des exemples. Après, le cheikh, il mentionne le hadith de Huzaifa, qui est un hadith très très célèbre au sujet de la division. Il dit, وفي حديث حذيفة بن اليمان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل أو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك صحيح صحيح البخاري. Donc c'est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari dans son Sahih. Selon Huzaifa ibn al-Yaman, il dit: les gens avaient l'habitude de demander au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet du bien, et moi je lui demandais au sujet du mal par crainte, inam barakallahu fik, par crainte que ce mal m'atteigne. Alors je dis au messager d'Allah, nous étions dans l'ignorance et dans le mal, dans la jahiliya et dans le mal avant l'islam, et Allah subhanahu wa ta'ala nous est venu avec ce bien, c'est-à-dire nous est venu avec l'islam. Est-ce que après ça il va y avoir du mal encore? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui, il va y avoir encore du mal. Et il a dit: est-ce que après ce mal il va y avoir du bien encore par la suite? Et il a dit oui, il va y avoir du bien encore par la suite, sauf qu'il va y avoir de la fumée dedans, quelque chose de brumeux dedans, hein. Ça ne sera pas clair comme c'était. Et Hudhayfa a dit: wa ma dakhanuhu, c'est-à-dire c'est quoi cette chose-là qui va faire que ce ne sera pas clair comme c'était auparavant? C'est quoi la fumée ou la brume qui est dedans ce bien? Il a dit: ce sont des gens qui se basent sur autre chose que ma guidance et qui font autre chose que suivre mon exemple ou ma sunna. Tu vas reconnaître certaines des choses qu'ils font et d'autres tu vas condamner. C'est-à-dire il y a des choses qu'ils vont faire, tu vas être en accord, tu vas accepter, et d'autres choses qu'ils vont faire, tu vas désapprouver. Hein? Et Huzaifa a dit: et après ce bien dans lequel il y a un peu de brume, est-ce qu'il va y avoir du mal par la suite? Et il a dit oui. Il y aura des gens qui vont inviter les hommes directement aux portes de l'enfer. Ceux qui vont accepter ou qui vont répondre à leur appel vont être jetés dedans. C'est-à-dire, ils vont être jetés dans l'enfer. Alors, Hudhayfa, radiallahu anhu, a dit: ô messager d'Allah, décris-les-nous. Décris-nous ces gens-là qui vont appeler aux portes de l'enfer. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: ce sont des gens de notre peuple, hein, de notre la même peau que nous et qui parle la même langue que nous, hein. Et le messager d'Allah, Hudhayfa, a dit: ô messager d'Allah, qu'est-ce que tu m'ordonnes de faire, qu'est-ce que tu me commandes de faire si telle chose se produit, c'est-à-dire si j'arrive et que les choses que tu as décrites sont là présentes, qu'est-ce que je dois faire? Il a dit: dans ce cas-là, tu dois t'accrocher au groupe des musulmans, rester avec eux et avec leurs dirigeants. Et Hudhayfa a dit: et s'ils n'ont pas de dirigeants, et s'ils n'ont pas d'unité, s'ils ne sont pas unis entre eux, ils n'ont pas une jama'a, et s'ils n'ont pas de dirigeants, qu'est-ce qu'on fait? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: dans ce cas-là, sépare-toi de tous ces groupes, de toutes ces sectes, hein, et même si tu dois mordre le tronc d'un arbre jusqu'à ce que la mort te vienne, alors reste, hein, comme ça. C'est-à-dire, tu t'accroches, hein, comme certains ulama ont dit, tu t'accroches au Coran et à la Sunna. C'est ça le tronc de l'arbre. On dit, tu t'accroches au Coran et à la Sunna jusqu'à ce que tu meurs. Hein. Tu restes pas avec aucun de ces groupes qui ont contredit le Coran et la Sunna, hein, qui s'opposent, hein, à ces choses-là. Ensuite, le cheikh il dit: أهم أقوال السلف في ذم التحزب, les paroles les plus importantes parmi les paroles des salafs au sujet de la critique et de la condamnation ou du blâme du fait de se diviser en groupes et en parties. Donc le cheikh il mentionne ou il cite certains exemples des paroles des salafs à ce sujet-là. Et on va terminer donc avec la première citation que le cheikh il a mentionné. En fait, il a mentionné deux paroles, ou bien pas deux paroles, plusieurs paroles, mais disons que une des paroles qu'il mentionne, dans la première exemple, il mentionne plusieurs citations. Il dit: وهناك عدة لقد كان المسلمون في العصر الأول جماعة واحدة وأمة واحدة قائمة على أمر الله وعلى السمع والطاعة في طاعة الله. لذلك جاءت أقوال السلف في النهي عن اتباع البدع والشبهات التي تفرق المسلمين. Donc le cheikh il dit que les musulmans à l'époque, hein, les premières époques de l'islam, les premiers siècles de l'islam, les musulmans n'étaient qu'une seule jama'a, un seul groupe, tous unis sur la vérité, unis sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et sur l'écoute et l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les paroles des salafs sont nombreuses. C'est pour cette raison-là qu'on remarque que les paroles des salafs sont nombreuses sur l'interdiction de suivre les innovations et les shubuhat qui divisent les musulmans. Et le cheikh, il dit, et il y a de nombreuses citations des paroles des salafs à ce sujet. هناك عدة آثار عن السلف في ذلك منها ابن عباس عن ابن عباس في قوله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وفي قوله أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه ونحو هذا في القرآن قال أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والتفرقة وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله ونحو هذا قاله مجاهد وغير واحد. Donc le cheikh il explique que Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, hein, qui est un des plus grands parmi les savants parmi les sahaba, un des plus grands qui ont interprété le Coran parmi les sahaba, il dit que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit et ne suivez pas les petits sentiers qui vont vous faire diviser de son chemin, du chemin d'Allah. Et également à propos du verset qui dit « Établissez la religion et ne vous divisez pas à son sujet », et des versets semblables dans le Coran, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux croyants d'être unis, d'être une seule jama'a. Hein? Et c'est pour cette raison-là que quand les gens mentionnent les jama'at au pluriel, le terme « jama'a », ça veut dire le groupe, hein, au pluriel, on leur répond « qu'il n'y en a pas plusieurs jama'at dans l'islam. Il y a une seule jama'a. Et quand on regarde dans les textes du Coran et de la Sunna, le terme jama'a est toujours utilisé au singulier, jamais au pluriel. Donc ça c'est pour dire que les musulmans sont ordonnés d'être une seule et unique jama'a, un seul et unique groupe, et il n'y a pas de place dans l'islam donc pour les différents partis et les différents groupes, le multipartisme ou le pluralisme politique ou religieux, comme ces gens-là le prétendent aujourd'hui au nom de la démocratie. Tout ça, c'est contraire à la guidance qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Allah nous a ordonné d'être un seul parti, tous les musulmans, et d'être unis et de ne pas se diviser. Et il nous a mentionné que ce qui a fait périr ceux qui sont venus avant nous, c'est les débats et les disputes dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et ça a été rapporté par plusieurs savants de l'islam, comme par exemple Mujahid et d'autres également parmi les ulama de l'islam. وقال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا الأسود بن عامر شادان حدثنا أبو بكر وهو ابن عياش عن عاصم وهو ابن أبي النجود وعن أبي وائل عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله المستقيمة وخط عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وكذا رواه الحاكم عن الأعصم وعن أحمد ابن عبد الجبار عن أبي بكر بن عياش وبه وقال صحيح ولم يخرجاه وهذا رواه أبو جعفر الرازي وورقاء وعمر بن أبي قيس عن عاصم عن أبي وائل وشقيق ابن سلمة وابن مسعود مرفوعا به نحوه كذا رواه يزيد بن هارون ومسدد والنسائي. Donc ça c'est le hadith qui est rapporté comme c'est rapporté par l'imam Ahmad dans la Musnad et par d'autres également. Il mentionne que Abdullah ibn Mas'ud il a rapporté dans un hadith que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a fait un trait sur le sol, donc sur le sable il a fait une ligne droite, puis à gauche et à droite de ce trait il a fait des petits traits. À gauche et à droite de cette ligne qu'il a fait, il a fait des petits traits de chaque côté. Et il a dit, ça c'est le chemin d'Allah, la ligne droite, c'est le chemin d'Allah. Puis les petits traits que j'ai fait de chaque côté, ça c'est des petits sentiers. Et à la tête de chacun d'entre ces sentiers-là, il y a un shaitan qui invite les hommes à le suivre. Et il a mentionné le verset 153 dans Sourate Al-Imran à ce sujet-là. Dans la sourate Al-An'am, وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه, et voici mon chemin droit dans toute sa rectitude, alors suivez-le, et ne suivez pas les sentiers qui vont vous diviser de son chemin. D'accord, donc ça c'est pour montrer que il y a des groupes et des tendances qui appellent à l'égarement. Mais notre obligation, c'est de rester unis sur la vérité, sur le Coran et la Sunna. Et les ulama, ils mentionnent justement à ce point-là que on voit que le chemin d'Allah, il est au singulier, et que les voies d'égarement sont au pluriel, soboul. Donc ça, c'est la preuve que la guidance, elle est toujours unique, et que la division et l'égarement, elle est multiple. Hein? Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour le Dars aujourd'hui, puis on va continuer, Inch'Allah, dans le cours prochain, Inch'Allah, demain, bi'idhnillah, l'explication des autres paroles des salafs à ce sujet. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh.